بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة. Aujourd'hui, le mardi 24 de Hijja de l'année 1442 de l'Hégire, correspondant au 3 août 2021. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de poursuivre ensemble l'étude de Durus al-Muhimma de l'imam Abdelaziz ibn Baz, qui est décédé en l'an 1420 de l'Hégire. On avait entamé dans le cours précédent la 15e leçon de cette risala, dans laquelle ou que l'imam Abdelaziz ibn Baz a consacré à l'apprentissage, a consacré au bon comportement. Et la 6e aussi, qui a été consacrée aux règles de bienséance, les règles de politesse. 2 leçons sur 18 consacrées au comportement et aux règles de bienséance. Et comme je l'ai mentionné dans les introductions du cours précédent, les savants de Ahl-Sunnah wal-Jama'a n'ont cessé de réserver des chapitres aux bonnes manières et aux bonnes éthiques et aux bonnes moralités de l'islam, même dans leurs livres qui traitent du dogme. Et ça, c'est pour mentionner et montrer clairement l'importance du bon comportement dans la religion de l'islam. Et les gens en général dans la da'wah, quand tu fais da'wah, les gens en général ne regardent pas ta science ni ta piété. Les gens regardent ton comportement. C'est la chose qu'ils voient de toi. Et quand tu es un salafi à qui Allah subhanahu wa ta'ala a permis par son pur bienfait d'être guidé dans cette voie, la voie de Ahl-Sunnah wal-Jama'a, tu suis le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sunna authentique de son noble prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec la compréhension des nobles compagnons radiallahu anhum, quand Allah t'a permis cette faveur et que tu cherches à perfectionner ton apparence et ton intérieur, ton cœur, quand les gens y voient de toi l'apparence de la sunna dans ta tenue vestimentaire, dans ta barbe, tu deviens malgré toi, les gens te considèrent comme si tu représentais la sunna. C'est pour ça, par reconnaissance à Allah subhanahu wa ta'ala pour cette ni'ma, faut que chaque personne qui a été guidée dans la sunna, faut qu'elle cherche à perfectionner son comportement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et si on ne peut pas être la cause de la guidée des gens, alors au minimum, qu'on ne soit pas la cause de les repousser de la vérité. Donc nous avons parlé des premiers comportements que Cheikh Rahimallah a cités dans le cours précédent, et on s'était rendu au comportement de Shaja'a. Cheikh Rahimallah a parlé de Shaja'a. Shaja'a, le courage et la bravoure et l'audace, qui est l'opposé de l'jubn et de l'khawf et de l'khawar. La lâcheté et la peur. Donc, shaja'a, ce bon comportement, ce noble comportement parmi les comportements de l'islam, il se trouve, comme tous les autres bons comportements de l'islam, il se trouve entre deux extrêmes. Donc, une personne qui a du courage dans les situations où il faut avoir du courage. Car le courage, quand il n'est pas à sa place, ça peut être une folie, ça peut être une imprudence, un signe d'étourdissement et de frivolité. Et quand tu ne fais pas preuve de courage, quand il faut le faire, c'est un signe de lâcheté et de peur. Et le courage du croyant, indique le courage, en réalité, c'est une force de l'âme. C'est une force de l'âme. Et la force de l'âme, elle est avec la force de la foi. Et également, la confiance que tu as en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que le croyant n'a peur que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il ne craint que son créateur. Comme a dit l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, quand il a parlé dans son livre Madarij al-Salikin, quand il a parlé du courage, il a dit que le courage indique une puissance de l'âme et une force de l'âme, et que la personne préfère les choses élevées parmi les comportements. Et il opte pour les valeurs nobles. C'est pour ça l'homme courageux, il donne de ce qu'il aime parmi les biens qu'Allah lui a octroyés. Malgré qu'il les aime, il arrive avec cette force de l'âme qui est shaja'a, il arrive à s'en passer et à les donner pour une chose meilleure, qui est la récompense et la rétribution d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa satisfaction et son agrément. Et c'est avec le courage que le croyant arrive à retenir sa colère et à délaisser la vengeance, tout en étant capable de se venger. Ce qui est loué, c'est pas de ne pas se venger quand tu es démuni et faible et t'as pas autre choix que de te laisser faire. Mais la force, c'est quand tu peux te venger de ton adversaire, de ton ennemi, et tu lui pardonnes. Et quand tu peux montrer ta colère et tu la retiens. Car il y a des situations où tu ne peux pas montrer ta colère. Peut-être que ton adversaire, si tu montres la colère, il peut te tuer. Donc ce n'est pas ça qui est loué. Loué, ce qui est loué, c'est de contrôler ces choses-là quand tu peux les montrer et les extérioriser. Et c'est avec la force de nafs, la force de l'âme et le courage que le croyant arrive à aller vers tout bien et s'éloigner de tout mal. Ensuite, il a cité le karam, rahimahullah. Al-karam, c'est la générosité. Et le karam, ça peut être utilisé dans le sens de la bonté. Donc c'est un sens plus général. Et la générosité, c'est une forme de bonté. Donc le karim, c'est celui qui est généreux, et ça peut vouloir dire celui qui est bon. Et donc ce sens-là, c'est un sens plus général. Quand on dit il est généreux, karim, c'est l'opposé de l'bukhl. L'avarice et la radinerie. Donc la générosité, le karam dans ce sens-là qui est la générosité, c'est de donner avec générosité et abondance, sans avoir peur. C'est là où on voit, encore une fois, le courage, shaja'a, sans avoir peur de la pauvreté. Et c'est Shaitan qui nous fait peur de la pauvreté. Quand tu veux donner, il te dit non, ne donne pas, car tu te prépares pour le hijra. Bien évidemment, Shaitan ne vient pas pour le croyant avec une ruse yani, qui est vile et mauvaise d'une manière claire. S'il veut l'éloigner de Sadaqa, il lui ramène des excuses convaincante. Il ne va pas lui dire ne pas donner car ça ne sert à rien. Non, il va lui dire ne donne pas car tes enfants ont plus besoin. Et la sadaqa avec tes enfants est meilleure. Shaitan, il a 70 portes du bien avec lesquelles il fait tomber le croyant dans le mal. Et plus on connaît Allah subhanahu wa ta'ala, et plus on apprend notre religion, mieux on connaîtra les ruses de Shaitan, et on sera préservé de Shaitan. C'est pour ça, le dernier degré de Shaitan dans son travail avec le fils de Adam, les personnes contre lesquelles il ne peut rien, c'est le degré le plus élevé. Qu'est-ce qu'il fait? Il éloigne les gens d'eux. Donc, Shaitan, s'il n'arrive pas à te faire tomber dans le kofr, la mécréance et l'associationnisme, il essaye de te faire tomber dans l'associationnisme mineur, s'il n'arrive pas avec le majeur. S'il ne peut pas, il essaye de te faire tomber dans les innovations. S'il ne peut pas, il essaye de te faire tomber dans les grands péchés, les petits péchés, l'exagération dans ce qui est halal. Tu manges ce que mangent 10 et tu bois comme 10 également. Car le serviteur le plus aimé par Shaitan, c'est celui qui mange beaucoup et qui boit beaucoup. Il ne se fatigue pas avec lui. Il est tout le temps fatigué, épuisé par ce qu'il a consommé. Il a besoin de dormir et de repos. Et manger beaucoup et boire beaucoup aussi, ça endurcit le cœur. La chose qui fait rentrer la crainte d'Allah le plus dans le cœur, c'est la faim. Et le fait d'être rassasié, c'est ce qui fait sortir la crainte d'Allah du cœur. Comme a dit Hassan al-Basri, rahimahullah. Donc il va l'empêcher de donner fi sabilillah, d'aider la mosquée, d'aider ses frères qui sont dans le besoin, sous prétexte qu'il se prépare pour l'hijra, sous prétexte que ses enfants ont plus besoin de cet argent, et ainsi de suite. Les ruses sont nombreuses. Et l'argument peut être bon à la base, utilisé par Shaitan, et authentique, mais il l'utilise pas à sa place. Et ça, c'est parmi les erreurs dans l'argumentation. C'est que tu ramènes un dalil authentique, mais avec une mauvaise compréhension. Tu l'emploies, non pas à sa place dans laquelle il doit être employé. Et ça, c'est parmi les techniques de Shaitan. Ou pour le faire tomber dans zina, il ne va pas lui dire « va vers cette femme et fais zina ». Ça, il le dit à quelqu'un qui est vraiment très très très faible dans sa religion. Mais quelqu'un qui est attaché à sa religion, il va lui dire, aide cette sœur fi sabilillah, aide-la, elle a besoin d'aide, conseille-la, et des choses comme ça, ça commence comme ça, petit à petit. Shaitan, il n'est pas pressé, il peut patienter avec toi 10 ans, 20 ans, l'essentiel c'est d'arriver à son objectif, et il sait, plus il te fait tomber dans les péchés, plus il va pouvoir te faire tomber facilement dans des grands péchés. Et les grands péchés, ensuite, il peut passer aux innovations, et ainsi de suite. Car son objectif, finale, c'est la mécréance et de t'emmener avec lui en enfer éternellement. Ça, c'est l'objectif de Shaitan. Mais pour y arriver, il est prêt à patienter et à passer par des étapes intermédiaires. Et il ne perd jamais l'espoir. Ton ennemi ne perd jamais l'espoir. Il peut te faire 1 milliard de fois la même ruse et ça ne marche pas. Il la recommence une fois de plus. Il ne perd jamais l'espoir. C'est pour ça que nous avons un ennemi très dangereux. Il faut s'armer et se préparer à son combat. Donc ça, c'est la générosité dans son sens, le karam dans le sens de la générosité. Mais le karam aussi, il peut avoir un sens plus général, comme j'ai dit, qui va englober tous les bons comportements de l'islam. Donc le croyant, il est bon avec ses parents, avec ses frères, avec les musulmans de manière générale, dans le comportement, dans l'entraide, dans la compassion, et ainsi de suite. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit par rapport à Al-Karam, il nous dit وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ الله أكبر. Dans le sens approximatif, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ceux qui sont préservés de leur propre avarice sont ceux qui réussissent. Sont ceux qui réussissent. Allah Akbar. Ceux qui sont préservés de leurs propres avarices, ce sont ceux-là qui ont la réussite et le succès dans ce bas monde et dans l'au-delà. Donc, la générosité, c'est le signe du succès et la clé du succès et de la réussite dans les deux demeures, de la même manière que son opposé, l'avarice et la radinerie, c'est le signe de la perdition dans les deux demeures. Ensuite, il a cité, rahimahullah, Cheikh Abdelaziz Ben Baz, il a cité le wafa. Le wafa, la loyauté et la fidélité, son opposé, c'est le ghadr ou le khiyana, la trahison, la déloyauté, la perfidie. Le wafa, la loyauté dans nos engagements et dans nos contrats avec les gens, qu'ils soient musulmans ou kuffar, le croyant ou wafi. Et vous connaissez tous l'histoire de Hudayf ibn al-Yamar radiallahu anhu, quand il a été attrapé par kuffar Quraysh, lui et son père. Et comme c'était des gens notables, ils leur ont dit, on va vous relâcher à la condition que vous ne nous combattez jamais avec le messager d'Allah. Hudayf ibn al-Yaman ou un autre compagnon, j'ai un doute maintenant. En tout cas, deux compagnons ont été attrapés par Kuffar Quraysh et ils ont accepté de les relâcher à cette condition, de ne jamais participer avec le messager d'Allah si jamais il les combat. Et ils ont accepté. Pour eux, c'est des kuffars. On accepte, mais s'il faut aider le messager d'Allah et il faut combattre dans le sentier d'Allah, bien évidemment, on n'hésitera pas une seule seconde. Quand le prophète, alayhi sallam, il se préparait pour la bataille de Uhud, ils sont venus et ils ont voulu participer. Ils ont dit au prophète, alayhi sallam, cet engagement qui a été pris d'eux, de Kuffar Quraysh, Nabi alayhi sallam a refusé qu'il participe avec lui. Il a dit Nufi lahum bi'ahdihim wa nasta'inu billahi alayhim. Nous respectons notre engagement envers eux et nous demandons à Allah de nous aider contre eux. Allahu Akbar. Ça, c'est le comportement du prophète de l'islam. Donc, le respect des engagements avec les musulmans et avec les kuffars. Allah Azza wa Jal dit « Aufu bil uqud » أوفوا بالعقود يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أو vous qui avez cru remplissez vos engagements honorez vos engagements respectez vos engagements. Et Allah ne nous a pas cité dans le verset les engagements envers qui? Ça veut dire tout engagement doit être respecté. Et les engagements qu'on doit respecter le plus, c'est pas pour dire que les autres on les respecte pas, mais pour montrer le danger de cet engagement si jamais il y a une forme de non-respect à son égard. L'engagement dans le contrat des mariages, l'engagement envers ses épouses, celui-là, c'est l'engagement parmi les engagements les plus importants dans la religion de l'islam. Mais sinon, le respect de l'honoration des engagements, c'est dans tous les domaines également, et avec toute personne également. Dans les transactions, la vente, l'achat, et ainsi de suite. Le croyant est loyal et fidèle, et ne connaît pas la trahison ni la perfidie. Ensuite, il a cité « وَالنَّزَاهَةُ عَنْ كُلِّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ » النَّزَاهَةُ عَنْ كُلِّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ. En réalité, « النَّزَاهَةُ عَنْ كُلِّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ » c'est « التَّقْوَى » se préserver de tout ce que Allah a interdit. Ça, c'est taqwa. Taqwa, c'est de se préserver de tout ce que Allah a interdit avec science. Et de faire ce que Allah a ordonné avec science. Ça, c'est taqwa en réalité. Comme vous savez, taqwa, elle a deux sens. Taqwa et le birr. Le birr, la bonté et la piété. Ça, ce sont des synonymes. At-taqwa, la piété. Al-birr, la piété. Mais quand ils sont cités tous les deux dans le même contexte, at-taqwa, c'est délaisser ce que Allah interdit. Et al-birr, la piété, c'est faire ce que Allah a ordonné. C'est-à-dire les adorations et les obéissances. Et at-taqwa, ça sera réservé à délaisser les interdits. C'est pour ça, at-taqwa, c'est de placer entre toi est-ce que tu crains une barrière, une protection? C'est ça, taqwa, dans son sens linguistique. Et dans son sens religieux, taqwa, c'est de faire les causes afin de se prémunir du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quelles sont ces causes? L'obéissance à Allah. En exécutant ses ordres et en s'éloignant de ses interdits. Et ça, c'est parmi les grandes qualités du croyant. C'est qu'il se préserve de tout ce que Allah lui a interdit par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son châtiment et de sa colère. Et ainsi, le croyant, il se préserve des mauvais comportements et de la tricherie et la trahison. Ensuite, il a cité Husnul Jiwar. Husnul Jiwar, le bon voisinage. L'opposé de Husnul Jiwar, c'est Su'ul Jiwar, le mauvais voisinage. Et ça, c'est parmi les grandes. C'est parmi les grandes moralités de l'islam et les grands comportements de l'islam. Le bon voisinage. Et le voisin, si c'est un mécréant, il a un droit, le droit du voisinage. si c'est un croyant voisin, il a deux droits. Le droit de l'islam et le droit du voisinage. Et si c'est un croyant voisin qui fait partie de ta famille, alors il a trois droits sur toi. Le droit du voisinage, le droit de l'islam et le droit des liens de parenté. Donc le kafir, il a un droit sur toi. Ton voisin mécréant, il a un droit sur toi, le droit du voisinage, qui se résume en le fait de ne pas lui faire du mal d'aucune manière, avec un dérangement ou autre, ou avec des odeurs nuisibles, ou en cuisinant une chose qui a une bonne odeur alors que lui n'a pas de quoi manger. Donc ne pas lui faire du mal d'une manière absolue, générale. Et de lui faire parvenir ton bien. Ça, c'est le droit de ton voisin sur toi. Notamment en l'appelant à l'islam. Et comme je dis toujours, l'appel à l'islam des voisins, il peut se faire sans parole. Nous avons deux fêtes religieuses dans l'année dans lesquelles la plupart des musulmans préparent des gâteaux, des choses comme ça. Lui offrir une assiette de gâteau à chaque Eid, en lui disant que ça c'est une occasion de fête pour nous, les musulmans, et tu lui donnes des gâteaux, de temps en temps lui préparer un plat, un tagine typique, un plat typique, tu fais du couscous à la maison, tu lui sers une assiette. Rien qu'avec ça, tu peux être la cause de sa guider vers l'islam. L'amna, comme vous savez, surtout dans ces sociétés occidentales, ces gens-là, même leurs enfants ne leur rendent visite qu'une seule fois par an. Et il y en a qui ne leur rendent même pas visite une fois par an. Et si toi, sans avoir de lien de famille avec lui, et tu te comportes de cette manière, en plus lui, peut-être il te déteste. Il a le racisme de l'ignorance, et ce n'est pas le plus dangereux. Le plus dangereux, c'est le racisme intellectuel des soi-disant cultivés et des intellectuels. C'est celui-là le plus dangereux. Mais le racisme qui est dû à l'ignorance, c'est juste parce qu'il ne te connaît pas, il se fait une image de toi. C'est pour ça que la plupart de ces gens-là, quand tu te comportes bien avec lui, il te dit « toi, tu n'es pas comme les autres ». Je n'aime pas les Arabes, excepté Mohammed. Lui, il n'est pas comme les autres. Alors que les autres, il ne les connaît pas. Ça, c'est le racisme simple qui peut se corriger et qui peut se réformer avec, yani, en montrant l'inverse de ce que lui pense de toi. Et combien de personnes sont entrées dans l'islam avec une assiette de gâteau? Ça touche énormément, surtout que eux, ils vivent dans ce que je vous ai dit et que vous connaissez mieux que moi. Taïb. Donc, le bon voisinage, pour son importance dans l'islam, il a été rapporté énormément de hadiths. Nabi alayhi salam dit, Jibril alayhi salam n'a cessé de me recommander le bon voisinage jusqu'à ce que j'ai pensé qu'il allait lui donner une part dans l'héritage. Ce hadith dit tout sur le droit du voisin. Jibril alayhi salam a tellement insisté dans les recommandations par rapport au voisin au point où le prophète alayhi salam a cru qu'il allait être et faire partie des héritiers. Et Nabi alayhi salam dit « Par Allah, il ne croira pas l'un d'entre vous. » Il le répète trois fois. Il a dit par Allah, ne croira pas. Par Allah, il ne croira pas. Par Allah, il ne croira pas. Ils ont dit qui au messager d'Allah? Il a dit celui dont le voisin n'est pas à l'abri de son mal. Si au minimum, tu n'arrives pas à ne pas faire du mal à ton voisin, ça c'est un signe, c'est un grand péché dans l'islam. Et c'est un signe de ta faiblesse de foi. C'est pour ça que tu n'as pas la foi obligatoire, complète. Donc le bon voisinage, tout d'abord, c'est de ne pas lui faire du mal. Avec les paroles, les actes, les odeurs, toutes les catégories de mal rentrent. Car Allah a ordonné le bon voisinage, mais il ne l'a pas déterminé. C'est pour ça, dans sa détermination, on revient aux coutumes des gens. Tout ce qui est considéré comme un bon voisinage est ordonné dans l'islam. Et tout ce qui est considéré comme un mauvais voisinage est interdit dans l'islam. Également avec le bon comportement. Et parmi les meilleures choses que tu puisses faire avec ton voisin, c'est d'être la cause de sa guidée vers la religion de l'islam. Le dernier point que Cheikh Rahimallah a cité dans cette leçon, Musa'adatu dhawi al-hajati hasab at-taqa. D'aider les gens dans le besoin dans la mesure du possible. D'aider les gens dans le besoin dans la mesure du possible. Donc, l'entraide est demandée en islam. Aider les pauvres et les nécessiteux, les gens qui sont dans le besoin, les aider dans la mesure de ce qui est possible pour toi. Et Allah est dans l'aide du serviteur. Allah aide le serviteur quand le serviteur aide ses frères. Quand le serviteur aide ses frères. Et celui qui aide son frère et qui le soulage dans une difficulté, dans une épreuve, Allah le soulagera et l'aidera quand il en aura besoin le jour du jugement dernier. Donc ça, c'est les exemples qu'il a cités, rahimallah. Et ensuite, il a dit, وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَخْلَاقِ الَّتِي دَلَّ الْكِتَابُ وَالسُنَّةُ أَوِ السُنَّةُ عَلَى مَشْرُعِيَّتِهَا. Également, les autres bons comportements qui sont approuvés par le livre d'Allah et la sunna de son prophète, alayhi sallam, et qui sont légiférés dans le kitab et dans la sunna. Cela pour nous dire que ça, c'est des exemples. Mais sinon, le domaine du bon comportement et des bons caractères est beaucoup plus vaste que celui-là. Et parmi les meilleurs livres qui ont été écrits sur les règles de politesse et de bienséance, c'est le livre de l'imam al-Bukhari, Kitabu al-Adab al-Mufrad. Kitab al-Adab al-Mufrad. Ce livre a été travaillé par Sheikh al-Albani. Car la condition de l'imam al-Bukhari dans ce livre, c'est pas comme sa condition dans l'authentique. Il peut citer des hadiths faibles. Cheikh al-Albani l'a travaillé et il a cité ce qui est authentique dans ce livre. C'est un livre précieux. C'est parmi les plus précieux livres qui ont été écrits par les savants de l'islam dans le domaine de l'adab. Ensuite, nous allons passer à la 16e leçon de ce livre qui est également au sujet des règles de bienséance et les règles de politesse concernant le croyant avec lui-même et avec son entourage. Il a dit, rahimahullah, « الدرس السادس عشر » التأدب بالآداب الإسلامية ومنها السلام والبشاشة والأكل باليمين والشرب بها إلى آخره. Donc, il a cité dans cette 16e leçon

aussi al-bashasha. Al-bashasha, c'est la jovialité, la gaieté, le fait d'être souriant. Quand tu rencontres tes frères, rencontre-les avec un visage souriant. Et de ne rien mépriser du bien, même pas un sourire. Comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. Ne minimise rien du bien, ne serait-ce que de rencontrer ton frère avec un visage souriant. Subhanallah, regardez cette religion, wallahi, quand tu médites sur ce qu'ils appellent la psychologie de l'être humain, comment cette religion elle a donné de l'importance à tous ces détails. Tu le vois, tu lui fais un sourire. Déjà, tu as fermé beaucoup de portes au shaitan. Et dès que tu te rapproches de lui, tu lui dis « Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ». Et lui te dit « Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ». Et ça commence comme ça. Bien évidemment, ça c'est des causes pour augmenter l'amour entre croyants. Et c'est une erreur de beaucoup de jeunes, illa man rahim Allah. Quand ils vont dans les mosquées, ça c'est un phénomène que j'ai vu moi-même. Quand ils voient les personnes âgées, ils ne leur passent pas salam. Ils ne leur passent pas salam. Il n'a pas une mauvaise pensée, mais il s'est habitué comme ça, par rapport à la société dans laquelle il a grandi. Et il faut savoir que ces personnes âgées dans les mosquées, qui viennent du bled, eux, Shaitan, il les travaille. Il lui dit, ce jeune barbu, il te considère comme un mécréant. Et ça, c'est des choses, j'invente pas, là, c'est des choses que j'ai vécues, que j'ai connues, que j'ai entendues de ces gens-là. Il lui dit, il ne te considère pas comme un musulman. Tu veux la preuve? Regarde, il vient d'entrer, il ne va pas te passer salam. Il passe devant toi, il ne va pas te passer salam. Parce que pour lui, tu es un kafir. Tu rases ta barbe. C'est pour ça, Salafi, il est concerné en premier lieu par tous ses adabs. Et c'est lui qui est le plus à même d'avoir tous ses bons comportements. Regarde comment Tablighi, il a ses bons comportements, même si c'est un bon comportement artificiel. Car il est aussitôt dévoilé quand tu réfutes ses innovations et ses égarements. Et il te montre son vrai visage. Mais toi, adopte ses bons comportements pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour propager le haqq, pour faire aimer la vérité aux gens. Comme les comportements qu'on vient de voir, la générosité. Comment ça se fait qu'un salafi ne participe pas dans les charges d'une mosquée dans laquelle il prie quotidiennement, sous prétexte que celui qui la dirige, c'est Ammé un tel ou Ammé un tel. Et tu donnes une mauvaise image de salafi, qu'il est radin. Donne pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah, il te le remplacera par meilleur. Donne pour donner une bonne image de cette da'wa, la da'wa salafia. De manière générale, je parle surtout des mosquées qui sont tenues par des awam. Amma des hizbiyin ou des choses comme ça, c'est différent. Mais les awam, il faut que tu sois salafiyin, ils sont les plus à même de les gagner. Et de ne pas les laisser aux Ikhwan et aux Tablir et aux Sofia. Et l'awam, tu peux les gagner facilement avec le bon comportement. Et avec la douceur, et la gentillesse, et la générosité, le sourire, salam, comme on est en train de voir maintenant. Ensuite, Cheikh Rahimullah a cité Al-Aklu bil Yamini wa Shurbu biha. De manger et de boire avec la main droite, ça c'est parmi l'adab de l'islam également. Le musulman, il mange avec la main droite, il boit avec la main droite. Même s'il est gaucher à la base, il se force, il fait des efforts pour manger, boire avec la main droite. Par contre, écrire, il n'y a pas de mal. Mais les choses qui ont été rapportées dans le sunna, que c'est avec la main droite, il les fait avec la main droite. Il fait des efforts et Allah lui facilitera. Des personnes yani, qui font tout avec la main gauche, mais ils boivent, ils mangent avec la main droite. Et si tu fais des efforts, ta récompense sera plus grande et plus forte. Donc de manger avec la main droite et de boire avec la main droite. Car c'est Shaytan qui mange avec la main gauche et qui boit avec la main gauche. Cheikh ne l'a pas cité également, donner avec la main droite et prendre avec la main droite. Pour se distinguer, se différencier de Shaytan également. Donc tu manges et tu bois et tu prends et tu donnes avec la main droite. Aussi, at-tasmiyatu 'inda al-ibtida'i wal-hamdi, at-tasmiyatu 'inda al-ibtida'i wal-hamdu 'inda al-farar. De citer le nom d'Allah avant de commencer à manger et de louer Allah, de dire alhamdulillah quand tu finis de manger. Ça fait partie des règles de bienséance quand tu manges. Comme le Nabi Al-Salam a enseigné à Amr ibn Abi Salama, si ma mémoire est bonne, Amr ou Omar, j'ai un doute. En tout cas, il a enseigné à ce compagnon qui était un enfant. Et c'était le fils de l'épouse du prophète Aïssa Salam, Umm Salama radiallahu anha. C'était son fils. De son ancien mariage, avec Abu Salama radiallahu anha. Nabi Aïssa Salam l'a épousé ensuite et elle avait un fils avec Abu Salama qui s'appelle Umar ou Amr. J'ai un doute. Donc, Nabi Aïssa Salam lui a enseigné l'adab. Avant de manger, il lui a dit Ya Ghulam, Sammillah, wa kul bi yaminik, wa kul mimma yalik. Dis Bismillah avant de manger, et mange avec la main droite, et mange devant toi. Nana, il a vu que sa main il allait dans l'assiette, un peu partout dans l'assiette. Elle se baladait un petit peu dans l'assiette. Le Nabi Islam lui a enseigné ce adab. C'est pour ça, yani, les savants précisent que la règle de base, c'est que tu dois manger devant toi. C'est ça l'adab. Sauf dans les cas où, par exemple, une salade yani, qui va chez qui se met là, yani, par exemple, ce qui prépare une salade avec plusieurs variétés, il y a une variété qui n'est pas devant toi. Dans ce cas-là, les savants ils disent il n'y a pas de mal à aller la prendre là où elle est. Non, mais ils l'appellent salade composée. Salade composée, mais chaque chose est placée à un endroit. Ou, yani, s'il y a une chose yani, dans l'assiette qui n'est pas devant toi. Dans ce cas-là, il n'y a pas de mal à aller la prendre. Mais sinon, à la base, tu manges devant toi. Et tu ne regardes pas les gens quand ils mangent. Tu baisses ton regard. D'autres adabs, donc, Cheikh a cité ces adabs-là. Il a été rapporté de l'imam Ahmad, il en a cité quatre adabs par rapport à manger. Il a dit quand ils sont réunis tous les quatre, alors c'est la perfection. Le premier, c'est de citer le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, de dire Bismillah. Le deuxième, c'est de dire Alhamdulillah quand tu termines. Le troisième, c'est d'avoir plusieurs personnes qui mangent ensemble. Plus il y a de mains, plus il y aura de baraka. Et le quatrième, c'est que cette nourriture soit une nourriture halal. Donc une nourriture halal, t'invite un maximum de personnes à manger avec toi, tu dis bismillah et tu finis par alhamdulillah. Quand ces quatre choses sont réunies, c'est l'idéal dans une nourriture. Et ce sont les meilleures des nourritures dans lesquelles sont réunies ces quatre choses. Ensuite, il a cité alhamdu ba'da al-utasi wa tashmitu al-atisi idha hamid. Alhamdu ba'da al-utasi. De dire alhamdulillah quand t'éternues de dire alhamdulillah et quand le musulman il éternue dit alhamdulillah tu lui dis yarhamuk Allah et lui dit yahdikum Allah wa yaslihu balakum. Regardez encore ce adab de l'islam. Quand le muslim, il éternue, il dit « Alhamdulillah ». Pourquoi il dit « Alhamdulillah » comme il dit Ibn al-Qayyim, rahimullah, car c'est un grand bienfait pour toi d'avoir éternué. Car l'éternuement, ça débarrasse le corps de beaucoup de gaz dangereux pour ton corps, si jamais il reste dedans. Et de beaucoup de mauvaises choses qui sont dans ton corps, qui sont dangereuses surtout pour ton cerveau. Et quand t'éternues, tu les dégages en dehors du corps. Et aussi, il a été légiféré de louer Allah subhanahu wa ta'ala après l'éternuement, car l'éternuement, en réalité, c'est comme un tremblement. C'est un grand tremblement qui arrive dans ton corps. Et même les scientifiques, ils l'ont prouvé cela. Que c'est un grand tremblement qui arrive dans ton corps, et subhanallah, après, chaque membre est à sa place. Ça, c'est par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et par son bienfait. C'est pour ça qu'il nous a été légiféré de dire alhamdulillah après l'éternuement, pour ces deux points. Et contrairement à tafa'ub, quand tu bailles, le bâillement, At-tafa'ub, c'est un signe de paresse et de fainéantisme. Et en général, c'est que tu as beaucoup mangé et bu. Donc le sommeil et le bâillement, dans l'adoration, ça vient de Shaytan. Par contre, dormir dans le combat, dans le sentier d'Allah, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne peut dormir dans un combat. Et quand les armées se reposent, que le croyant. L'anna celui qui place sa confiance en Allah, contrairement à l'hypocrite, il n'arrive pas à dormir dans ces situations-là. Il a peur de mourir. Comment il va dormir? Être serein et tranquille. Il est inquiet. Il est perturbé. Déstabilisé, il n'arrive pas à dormir. Il n'y a que le croyant sincère qui dort dans le combat, dans le sentier d'Allah, comme ils ont dit les savants. Et comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, contrairement à bâiller dans l'adoration, ça vient de Shaytan. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné quand on a envie de bâiller, de mettre la main sur la bouche. De mettre la main sur la bouche. Car si jamais tu bailles et tu dis, ah, comme certains disent, on entend un son, Shaytan, il rigole de toi, il se moque de toi. Et aussi, il est rapporté dans un hadith authentifié par Cheikh Al-Albani, Nabi Aslam a dit, quand l'un d'entre vous baille, إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه qu'il mette sa main sur sa bouche car Shaytan entre quand il ouvre la bouche donc il met la main afin d'empêcher Shaytan d'entrer dans sa bouche et ça c'est un hadith authentique Yani quand tu bailles dans salat, l'idéal c'est d'arriver à fermer la bouche. Yani si tu arrives à fermer la bouche sans geste de ta part avec les mains. Et si tu n'arrives pas, alors tu passes à fermer la bouche avec la main. Aussi rendre visite aux malades. Iyadatul marid. Et ça fait partie des droits du muslim sur le muslim. Parmi les droits de ton frère sur toi, quand il tombe malade, de lui rendre visite et d'invoquer Allah en sa faveur avec ce qui a été rapporté. Et cette visite, elle est censée soulager le malade et ne pas le fatiguer. C'est pour ça qu'il faut choisir les bons moments pour rendre visite à un malade. Et quand il va, t'essayes d'être léger. Yani, tu vas avec quelque chose, si tu sais qu'il aime manger une chose, yani, comme un yaourt ou quelque chose comme ça, tu lui ramènes avec toi et tu passes quelques minutes avec lui en lui disant des bonnes paroles. La ba'sa shifa'un tahurun insha'Allah, ou des belles paroles comme ça, yani, qui augmentent l'espoir et l'optimisme chez le croyant. Et comme vous savez, il y a un lien entre la force de l'âme et le corps. Il y a un lien entre l'âme et le corps. Quand tu lui dis ces bonnes paroles qui renforcent son âme, yani, la guérison, ça aide dans la guérison de ce malade. Ça aide dans la guérison de ces malades. Et sur cette notion que Freud a basé ses études sur la psychanalyse. Et c'est sur cette notion, c'est de dire des bonnes choses aux malades, l'aider psychologiquement. Donc ces choses-là, ce qui est vrai dans cette science, existe déjà dans notre religion. Également, ittiba'ul janaiz lis salati wad dafn. Ittiba'ul janaiz, suivre le convoi funéraire pour faire salat sur le mort et participer dans l'enterrement. Et ça aussi, c'est parmi les droits du musulman sur ses frères. Et il y a beaucoup de récompenses sur ces choses-là. Celui qui prie sur un mort, Allah lui donne un qirat de hasanat. Et le qirat, c'est comme une grande montagne. Dans certaines versions, c'est comme la montagne de Uhud en hasanat. Et s'il le suit jusqu'à l'enterrer, Allah lui donne un deuxième qirat, une deuxième montagne, comme la montagne de Uhud. Également, les règles de bienséance qui ont été légiférés quand tu rentres dans la mosquée, quand tu sors de la mosquée, quand tu rentres dans ta maison et quand tu sors de la maison, il y a des adhkar qu'on dit dans toutes ces situations-là. À l'entrée de la mosquée, on dit Bismillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, a'udhu billahi al-azim, wa biwajhi al-karim, wa sultani al-qadim min ash-shaytani rajim. Et on dit Allahumma ftah li abwaba rahmatik. Bismillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, Allahumma ftah li abwaba rahmatik. Et quand tu sors, tu dis Bismillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, et tu dis Allahumma ni as'aluka min fadlik. Quand tu entres, tu rentres par le nom d'Allah. Et tu fais salat sur son prophète, alayhi salatu wassalam. Et tu demandes à Allah d'ouvrir pour toi les portes de sa miséricorde. Car là, tu rentres dans une mosquée pour accomplir les adorations. Tu as besoin de cette rahma, de cette miséricorde, avec laquelle Shaitan il sera éloigné de toi et il ne te perturbera pas dans tes adorations. Et quand tu sors, également tu sors avec le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu sors avec le pied gauche et t'entres avec le pied droit. Et tu demandes à Allah de ses bienfaits, car tu sors vers dunya, vers talab rizq. Tu demandes à Allah de ses bienfaits. Et à l'entrée comme à la sortie, tu cherches refuge auprès d'Allah contre Shaitan. Shaitan, il est partout. Il ne te laissera jamais jusqu'à ce que ton âme quitte ton corps. Et c'est là où il viendra. Yani, là où tu es le plus faible, lui, il viendra avec ses soldats. Car c'est sa dernière chance de t'avoir. Donc Shaitan, il est partout, il ne te lâchera jamais. C'est pour ça que tu cherches refuge auprès d'Allah, contre son mal et contre Shaitan, à l'entrée de la mosquée et à la sortie de la mosquée. À l'entrée de la mosquée, tu dis « A'udhu billahi al-azim, wa biwajhi al-karim, wa sultani al-qadim, min al-shaytan al-rajim. » Et à la sortie, tu dis « Allahumma asimni min al-shaytan, préserve-moi, oh Allah, de Shaytan. » Également, la maison, quand tu entres chez toi et tu sors de chez toi, il y a des adhkar que tu dois connaître et utiliser. Premièrement, tu fais tasmiya, bismillah. Et ça sera une baraka pour toi et pour les membres de ta famille. Une protection contre Shaitan. Et d'avoir tous les bons comportements avec les membres de ta famille également. Et si tu entres en citant le nom d'Allah, Shaitan il dit, on ne peut pas yani, entrer dans cette maison. Il ne peut pas entrer quand tu dis Bismillah. Et quand tu dis Bismillah avant de manger, il ne peut pas manger et participer avec toi dans ce que tu manges. Et quand tu sors aussi, tu dis Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inni a'udhu bika an adilla aw udall, aw azilla aw uzal, aw adlima aw udlam, aw ajhala aw yujhala alayhi. Et ainsi de suite. Tout ça vous trouvez dans la citadelle du musulman. Également l'adab qui sont légiférés lors du voyage. On doit les apprendre et les mettre en pratique. Des adab avant le voyage et des adab pendant le voyage. Et des adab à notre retour du voyage. Et le voyage, c'est un morceau du châtiment. C'est une partie du châtiment. C'est pour ça, ne fais pas durer ton voyage plus que le nécessaire. Raccourcis-le au maximum. Également l'adab qu'on doit avoir avec nos parents. Et quand on parle des parents, bien évidemment, la mère a la trois droits. Et ensuite le père. Ummuk, ummuk, ummuk, thumma abuk. Et ensuite, les autres membres de la famille et leurs droits est plus fort selon leur lien de parenté, selon leur proximité de toi dans les liens de parenté. Donc tes frères et tes sœurs ont un droit plus grand sur toi que tes neveux et tes cousines. Et aussi le droit et l'adab qu'on doit avoir avec les voisins. Comme on a vu, les aider avec yani, nos efforts physiques, les aider avec nos biens, avec la bonne parole, et surtout les aider en les appelant à la religion de vérité. Les règles de bienséance qu'on doit avoir avec les grands et les petits, chacun selon son cas. Avec les grands comme avec les petits. Avec les hommes comme avec les femmes. Chacun a des adab qui ont été cités dans notre religion qu'on doit utiliser avec lui. Nabi Asasalam dit « Laysa minna man lam yuqir kabirana wa yarham sagirana wa ya'rif li'alimina haqqah » Il n'est pas des nôtres. Nabi Aslam, il se désavoue de lui. Wallah musta'an. Ça démontre que c'est un grand péché. Il n'est pas des nôtres celui qui ne respecte pas nos aînés et qui n'est pas miséricordieux envers les plus petits parmi nous et qui ne respectent pas nos savants comme ils se doivent d'être respectés. Et fait partie de la vénération d'Allah subhanahu wa ta'ala. Écoutez bien ce hadith. Il fait partie de la vénération d'Allah, de la glorification d'Allah subhanahu wa ta'ala, de respecter la personne âgée, ayant des poils ou des cheveux blancs. Celui qui a des cheveux blancs fait partie de la vénération d'Allah de le respecter. Inna min ijlalillahi ikramu dhishaybatil muslim. Ou ikrama dhishaybatil muslim. Inna min ijlalillahi ikrama dhishaybatil muslim. Ce hadith a été jugé bon par Cheikh Al-Albani. Donc les plus petits, on se comporte avec eux avec miséricorde. Si un enfant vient dans la mosquée et il dérange un petit peu, il fait des bêtises, il casse une chose, et rahma avec lui. Et rahma avec lui, surtout en France. La responsabilité est lourde pour le musulmane dans les mosquées. Tu le blâmes sévèrement. Et quand il va chez le kuffar dans les écoles, il l'accueille avec le sourire et les bonbons et les cadeaux et tout ce qu'il aime. Et quand il vient à la mosquée, ne bouge pas, ne touche pas ça. C'est la dernière fois que tu le ramènes. Subhanallah. Et ainsi on éloigne des enfants de l'islam. Avec notre ignorance et notre gel. Et on croit bien faire. Pour les personnes âgées, si tu n'arrives pas, et bien évidemment le discours pour les parents de ces enfants, c'est de leur enseigner l'adab de la mosquée. Mais le discours aussi pour ces personnes âgées, si tu n'arrives pas à supporter de voir des enfants, va te reposer chez toi. La mosquée, c'est pour tout le monde. Et surtout pour la jeunesse. Les musulmans de demain. La mosquée, c'est pas un endroit où on vient pour se reposer, pour s'éloigner du dérangement des enfants ou là des petits-enfants dans la maison. Ou là pour préparer le thé ou là. Non. La mosquée, c'est un endroit où on vient pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Pour apprendre notre religion. Et cette miséricorde envers les petits est tellement importante que le Nabi Islam a dit « Celui qui ne fait pas miséricorde, on ne lui fera pas miséricorde. » Et ça, c'était par rapport à l'histoire de l'Aqra ibn Habis. Cet homme est venu une fois voir le Nabi Islam, il a vu autour de lui des enfants, notamment Al-Hassan ibn Ali radiyallahu anhu. Il a vu que le Nabi Islam, il l'embrassait, il faisait des câlins, il jouait avec lui. Cet homme, il a dit, j'ai 10 enfants. Je n'ai jamais embrassé l'un d'entre eux. Allah musta'an. Nabi Aïssa l'a regardé, il lui a dit, Man la yarham la yurham. Point à la ligne. Celui qui ne fait pas miséricorde, on ne lui fera pas miséricorde. Et dans une autre version, Nabi Aïssa lui a dit, qu'est-ce que je peux pour toi si Allah a retiré la miséricorde de ton cœur? Aussi, féliciter les musulmans pour leur nouvelle naissance quand il y a un nouveau-né. Le féliciter en lui disant « Dua qui est légiféré ». Qu'Allah fasse qu'il soit béni pour toi et pour toute la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ou de lui dire ce qui a été rapporté de l'Hassan al-Basri. Barakallahu laka fil mawhoub, mais le dire sans croire que c'est une sunna. C'est une bonne invocation, mais c'est pas une sunna. Sunna, c'est ce qui est rapporté du Nabi Islam. Ja'alahu Allahu mubarakan alayka wa ala ummati Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Aussi de féliciter les mariés lors du mariage, de dire barakallahu lak alam wa baraka alayk wa jama'a baynakuma fi khayr. Et la sœur, elle peut dire ça aussi à la femme, à la mariée. Barakallahu laki وبارك عليك وجمع بينكما في خير. C'est légiféré pour les deux. Et aussi de présenter ses condoléances quand le musulman est touché par une épreuve, par une catastrophe, comme l'épreuve et la catastrophe de la mort d'un proche. Et tu lui dis dua aussi. لِلَّهِ مَا أَخَذْ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ. Et les autres règles de bienséance dans cette belle religion, la religion de l'islam qui n'a rien négligé, dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala n'a rien négligé. Que ce soit quand tu portes tes vêtements, quand tu les retires, quand tu vas dans la salle de bain, quand tu vas faire pour faire tes besoins, tu portes tes chaussures, tu les retires, et ainsi de suite. Il y a adab dans toute chose. Rien n'a été négligé, rien n'a été oublié. Il suffit d'apprendre et de mettre en pratique. Et on termine ça avec cette dua qui a été rapportée du prophète, alayhi salatu wassalam, dans l'authentique de l'imam muslim. Selon Ali, radiallahu anhu, il a dit, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, « Allahumma hdini li ahsani l'akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa ant, wasrif anni sayyi'aha, la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. » Allahu Akbar. Bien évidemment, tous ces akhlaqs, toutes ces adabs, tu ne peux les obtenir qu'avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que Nabi alayhi salam, il disait, « Oh Allah, guide-moi vers les meilleurs des comportements, car il ne guide vers les meilleurs comportements que toi, et éloigne-moi des mauvais comportements, car il n'éloigne des mauvais comportements que toi. » Et il disait aussi, Allahumma inni a'udhu bika min munkarati al-akhlaq wal-a'mal wal-ahwa. Ça a été authentifié par Cheikh Al-Albani. Le Nabi alayhi salam, il disait, « Oh Allah, je cherche refuge auprès de toi contre les mauvais comportements et les mauvais actes et les passions. » Et les passions. Donc, ça c'est pour dire et terminer avec cette faïda précieuse, c'est que dua, comme tout bien, c'est que l'akhlaq, comme tout bien dans cette religion, également pour se préserver du mal, n'importe quel mal, la plus grande cause que tu as entre les mains, c'est l'invocation. Ad-dua, invoquer Allah, qu'il t'accorde ces choses-là, comme il les a accordées aux pieux et aux vertueux dans cette umma. Qu'Allah nous accorde un bon comportement dans lequel on est sincère et à travers lequel on espère que la rétribution d'Allah subhanahu wa ta'ala, un bon comportement avec nos parents, nos épouses, nos enfants, nos voisins et avec tous les musulmans, nos frères et sœurs sur la même voie et avec tous les musulmans de notre communauté et aussi un bon comportement même avec ceux qui ne sont pas dans cette religion, et nous demandons à Allah de les guider et d'ouvrir leur cœur pour l'acceptation de la vérité. Ya Allah, ihdihim lil Islam. Oh Allah, guide-les vers l'islam et montre-leur la vérité. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته